un son considéré sûrement d'un certain circonstance et sans autre violence à est ainsi. Et il la mère est ainsi, parce que c'est pour être séculation du temps. Il a besoin du temps en quantité. Il a besoin d'un dîner infini des images. Il a besoin d'un dîner infini des images. Il peut se manifester. Il peut se manifester pour ce qu'il a. Il peut nous surprendre avec son pronom, capturer ses intrigues narratives et nous surprendre avec son épilogue. Au lendemain, nous allons s'affirmer et s'effondrer dans cette autre facette de l'univers qu'est le silence. Car lui aussi a besoin du temps, d'un avant et d'un après, pour qu'il puisse être perçu d'une manière ou d'une autre. Pour ce qu'il est, pour ce que je suis, pour ce qu'il a besoin de temps, mais aussi les soupirs, les parce qu'il est nécessaire pour la vie sainte. Imaginons-le, le son avec sa texture dense et graineuse, comme la boulette des régions, et les dents au-dessus, comme les poissons, dans et à travers le récit du riz, se laisse déguster. Au contraire, traversant la métaphore, ou combien de quantas de temps, uniques et immenses événements temporels, comme les grands délais, peuvent soutenir en s'harmoniser sur nous, et s'il existe des qui était-ce, Faust, le vieil alchimiste Faust, qui aurait donné on ne sait quoi à son âme pour corriger un instant la permanence de perception qu'on se sent dans le temps. En cet instant, quand le temps s'arrête, le son est fige. Le son et le temps ne font qu'indiscernable. Aucun de deux soutient la réserve de l'être. Et le son ne parle bien. Il est vrai que le son ne parle mieux à notre seul ensemble, comme un mouvement de mouvement et master. Mais à mesure le jour porte bien, il ne vient pas au son. C'est l'air entier qui vibre et frappe, notamment il nous parvient une énergie. Le cerveau analyse immédiatement les choses avec un panier serveuse qu'il analyse aussitôt. Le cerveau analyse immédiatement les choses après la réunification. On analyse aussi ça en un temps et deux chemins. Il comprend combien de choses se cachent dans lui. Thank you. non, samedi, rien. Non, et dimanche, je sais pas. Non, lundi, ça va. Ça fait du mal. Oui, lundi, c'est pas terminé. Thank you.